Fabio Marcelli. Marcelli. C'est un triste moyen, seigneur Fabio. Le vin est le plus traître des compagnons. Il vous prend dans un palais et vous laisse dans un ruisseau. Fabio. Ah, c'est vous, seigneur Marcelli, vous m'écoutiez ? Marcelli. Non, mais je vous entendais. Fabio. Ai-je rien dit qui vous ait déplu ? Marcelli. Au contraire, vous vous disiez triste si vous vouliez boire. C'est tout ce que j'ai surpris de votre monologue. Moi, je suis plus gai qu'on ne peut dire. Je marche le long de ce quai comme un oiseau. Je pense à des choses folles. Je ne puis demeurer en place. Et j'ai peur de me fatiguer. Tenons-nous compagnie l'un à l'autre un instant. Je vaux bien une bouteille pour l'ivresse, et cependant je ne suis rempli que de joie. J'ai besoin de m'épancher comme un flacon de sillerie. Et je veux jeter dans votre oreille un secret étourdissant. Fabio. De grâce, choisissez un confident moins préoccupé de ses propres affaires. J'ai la fête prise, mon cher. Je ne suis bon à rien ce soir. Et eussiez-vous à me confier que le roi Midas a des oreilles d'âne, je vous jure que je serai incapable de m'en souvenir demain pour le répéter. Marcelli. Et c'est ce qu'il me faut, vrai Dieu, un confident muet, comme une tombe. Fabio. Bon, ne sais-je pas vos façons? Vous voulez publier une bonne fortune, et vous m'avez choisi pour le héros de votre gloire. Marcelli. Au contraire, je veux prévenir une indiscrétion, en vous confiant bénévolement certaines choses que vous n'avez pas manqué de soupçonner. Fabio. Je ne sais ce que vous voulez dire. Marcelli. On ne garde pas un secret surpris au lieu qu'une confidence engage. Fabio. Mais je ne soupçonne rien qui puisse concerner. Marcelli. Il convient alors que je vous dise tout. Fabio. Vous n'allez donc pas au théâtre? Marcelli. Non, pas ce soir, et vous? Fabio. Moi, j'ai quelque affaire en tête. J'ai besoin de me promener seul. Marcelli. Je gage que vous composez un opéra. Fabio. Vous avez deviné? Marcelli. Et qui s'y tromperait? Vous ne manquez pas une seule des représentations de San Carlo. Vous arrivez dès l'ouverture, ce que ne fait aucune personne du Bel Air. Vous ne vous retirez pas au milieu du dernier acte, et vous restez seul dans la salle avec le public du parquet. Il est clair que vous étudiez votre art avec soin et persévérance, mais une seule chose m'inquiète. Êtes-vous poète ou musicien? Fabio, l'un et l'autre. Marcelli, pour moi, je ne suis qu'amateur, et n'ai fait que des chansonnettes. Vous savez donc très bien que mon assiduité dans cette salle, où nous nous rencontrons continuellement depuis quelques semaines, ne peut avoir d'autre motif qu'une intrigue amoureuse. Fabio. Dont je n'ai nulle envie d'être informé. Marcelli. Oh, vous ne m'échapperez point par ces faux fuyants, et ce n'est que quand vous saurez tout que je me croirai certain du mystère dont mon amour a besoin. Fabio. Il s'agit donc de quelque actrice, de la Borsella? Marcelli. Non, de la nouvelle cantatrice espagnole, de la divine Corrida. Par Bacchus, vous avez bien remarqué les furieux clins d'œil que nous nous lançons. Fabio avec humeur. Jamais. Marcelli. Les signes convenus entre nous à de certains instants où l'attention du public se porte ailleurs? Fabio. Je n'ai rien vu de pareil. Marcelli. Quoi? Vous êtes distrait à ce point? J'ai donc eu tort de vous croire informé d'une partie de mon secret, mais la confidence étant commencée. Fabio vivement. Oui, certes. Vous me voyez maintenant curieux d'en connaître la fin. Marcelli. Peut-être n'avez-vous jamais fait grande attention à la signora Corrida? Vous êtes plus occupé, n'est-ce pas, de sa voix que de sa figure. Eh bien, regardez-la, elle est charmante. Fabio, j'en conviens. Marcelli, une blonde d'Italie ou d'Espagne, c'est toujours une espèce de beauté fort singulière et qui a du prix par sa rareté. Fabio, c'est également mon avis. Marcelli, ne trouvez-vous pas qu'elle ressemble à la Judith de Caravaggio qui est dans le musée royal? Fabio, et monsieur Filicé, en deux mots, vous êtes son amant, n'est-ce pas? Marcelli, pardon, je ne suis encore que son amoureux. Fabio, vous m'étonnez. Marcelli, je dois vous dire qu'elle est fort sévère. Fabio, on le prétend. Marcelli, que c'est une tigresse, une bradamante. Fabio, une alcimadure. Marcelli, sa porte demeure enfermée à mes bouquets, sa fenêtre à mes sérénades. J'en ai conclu qu'elle avait des raisons pour être insensible, mais que sa vertu devait tenir pied moins solidement sur les planches d'une scène d'opéra. Je sondais le terrain, j'appris qu'un certain drôle nommé Mazzetto avait accès près d'elle, en raison de son service au théâtre. Fabio, vous confiâtes vos fleurs et vos billets à ce coquin? Marcelli, vous le saviez donc? Fabio, et aussi quelques présents qu'il vous conseilla de faire. Marcelli, ne disais-je pas bien que vous étiez informé de tout? Fabio, vous n'avez pas reçu de lettre d'elle? Marcelli, aucune. Fabio, il serait trop singulier que la dame elle-même, passant près de vous dans la rue, vous eût à voix basse indiqué un rendez-vous. Marcelli, vous êtes le diable ou moi-même. Fabio, pour demain? Marcelli, non, pour aujourd'hui. Fabio, à 5 heures de la nuit? Marcelli, à 5 heures. Fabio, alors c'est au rond-point de la Villa Réelle? Marcelli, non, devant les bains de Neptune. Fabio, je n'y comprends plus rien. Marcelli, par Dieu, vous voulez tout deviner, tout savoir mieux que moi. C'est particulier. Maintenant que j'ai tout dit, il est de votre honneur d'être discret. Fabio, bien, écoutez-moi, mon ami. Nous sommes joués l'un ou l'autre. Marcelli, que dites-vous? Fabio, ou l'un et l'autre, si vous voulez. Nous avons rendez-vous de la même personne à la même heure. Vous devant les bains de Neptune, moi à la Villa Réale. Marcelli, je n'ai pas le temps d'être stupéfait, mais je vous demande raison de cette lourde plaisanterie. Fabio, si c'est la raison qui vous manque, je ne me charge pas de vous en donner. Si c'est un coup d'épée qu'il vous faut, dégainez la vôtre. Marcelli, je fais une réflexion. Vous avez sur moi tout avantage en ce moment. Fabio, vous en convenez? Marcelli, par Dieu, vous êtes un amant malheureux, c'est clair. Vous alliez vous jeter du haut de cette rampe, ou vous pendre aux branches de cet aïeul, si je vous eusse rencontré. Moi, au contraire, je suis reçu, favorisé, presque vainqueur. Je soupe ce soir avec l'objet de mes vœux. Je vous rendrai service en vous tuant. Mais si c'est moi qui suis tué, vous conviendrez qu'il sera dommage que ce fût avant et non après. Les choses ne sont pas égales. Remettons l'affaire à demain. Fabio, je fais exactement la même réflexion que vous, et pourrais vous répéter vos propres paroles. Ainsi, je consens à ne vous punir que demain de votre folle venterie. Je ne vous croyais qu'indiscret. Marcelli, bon, séparons-nous sans un mot de plus. Je ne veux point vous contraindre à des aveux humiliants, ni compromettre davantage une dame qui n'a pour moi que des bontés. Je compte sur votre réserve, et vous donnerai demain matin des nouvelles de ma soirée. Fabio, je vous en promets autant. Mais ensuite nous ferraillerons de bon cœur. À demain, donc. Marcelli, à demain, seigneur Fabio. Fabio seul. Je ne sais quelle inquiétude m'a porté à le suivre de loin au lieu d'aller de mon côté. Retournons. Il fait quelques pas. Il est impossible de porter plus loin l'assurance. Mais aussi ne pouvait-il guère revenir sur sa prétention et me confesser son mensonge. Voilà de doux jeunes fous à la mode. Rien ne leur fait obstacle. Ils sont les vainqueurs et les préférés de toutes les femmes. Et la liste de Don Juan ne leur coûterait que la peine de l'écrire. Certainement, d'ailleurs, si cette beauté nous trompait l'un pour l'autre, ce ne serait pas à la même heure. Allons, je crois que l'instant approche, et que je ferais bien de me diriger du côté de la Villa Réale, qui doit être déjà débarrassée de ses promeneurs et rendue à la solitude. Mais en vérité, n'aperçois-je pas là-bas Marcelli qui donne le bras à une femme? Je suis fou, véritablement. Si c'est lui, ce ne peut être elle. Que faire? Si je vais de leur côté, je manque l'heure de mon rendez-vous. Et si je n'éclaircis pas le soupçon qui me vient, je risque en me rendant là-bas de jouer le rôle d'un sot. C'est là une cruelle incertitude. L'heure se passe, je vais y reviens, et ma position est la plus bizarre du monde. Pourquoi faut-il que j'aie rencontré cet étourdi qui s'est joué de moi peut-être? Il aura su mon amour pour Mazzetto, et tout ce qu'il m'est venu conter tient à quelque obscure fourberie, que je serais bien démêlé. Décidément, je prends mon parti, je cours à la Villa Réale. Il revient. Sur mon âme, ils approchent. C'est la même mantille garnie de longues dentelles. C'est la même robe de soie grise. En deux pas, ils vont être ici. Oh, si c'est elle, si je suis trompé. Je n'attendrai pas à demain pour me venger de tous les deux. Que vais-je faire? Un éclat ridicule? Retirons-nous derrière ce treillis pour mieux nous assurer que ce sont bien eux-mêmes.